the streets that come in a corner. We'll bring your feet by a bar with no color. A kind of place you surely pass over. A kind of place with only three customers. Where managers change every season. Sad or cynic, smiling desolation. Finally I open the door. Curiosity, that's what's for. This little bar, it could be so nice. This little bar, I'll meet the owner and speak to her. This little bar, ooh, it could be so cool. This little bar, yeah, I could be the manager. Spanish arches, a place for players. Metal dark wood, it looks good. Scent of fruit, but no smell of food. Except the place is dark by bad luck. It said no chance, the owner don't give a fuck. The wifey spot and good sandwiches, we chip a lot without the help of witches. This little bar, it could be so nice. This little bar, I'll leave the owner and speak to her. This little bar, it could be so cool. Manager. So it's got to go, and I never ever said it.

Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Le jour qui sème, la nuit qui sème, d'amour qui sème à l'infini. Ma seule ambition, l'immaculée mission. Y'a ceux qui aiment les coups, qui aiment la boue, être à genoux, le SM, les tabous. Je ne les juge pas, mais tout le monde n'est pas comme moi. Je vous l'avoue, moi je m'en fous. Les gens me montrent du doigt, j'ai fait mon choix. J'aime le yaourt sur la bouche des filles. Je suis un garçon facile, yaourt. J'aime le yaourt sur la bouche des filles. Je ne suis pas difficile. Et y'a ceux qui vivent pressés, qui mangent pressés, qui baissent pressés, et puis qui meurent pressés. On a tout le temps, la vie est courte pourtant. Y'a ceux qui tiennent le coup, tiennent à vous, tiennent le bambou, y'a ceux qui tiennent à tout. Rien n'a d'importance dans les jolies taches blanches. Je vous l'avoue, moi je m'en fous. Les gens me montrent du doigt, j'ai fait mon choix. J'aime le yaourt sur la bouche des filles. Je suis un garçon facile. Et y'a ceux qui donnent les coups, qui prennent les coups. Et y'a ceux qui donnent les coups, qui prennent les coups. Et y'a ceux qui donnent les coups, qui prennent les coups. Qui tirent les coups, qui s'amusent comme des fous. Ça ne me regarde pas, mais chacun porte sa croix. J'aime le yaourt sur la bouche des filles. Je suis un garçon facile, yaourt. J'aime le yaourt sur la bouche des filles. Je ne suis pas. Sur la bouche. On your wall, they will speak to me, and up later on, we'll resume salutations to the rest of locale. Tribal connection. Now think about that, sweet baby girl. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. He shuts the door and he shuts his eyes. He lives much more than a house, but he'll try to head somewhere new to write a new story. He knows he won't see those bushes and trees again. This land is beauty, full of ugly memories, and now he'll stay away, yeah, from all these worries. He's moving forward to the unknown. There's too many ghosts here, too much sorrow. Sometimes it feels like freedom is near. It's moving forward to the unknown. There's too many ghosts here, too much sorrow. It's moving forward. He drowns before he drowns.

side of the hole. Yeah, ooh, yeah. Yeah, ooh, yeah. Yeah, ooh, yeah. Yeah, ooh, yeah. Yeah, yeah. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. We'll be right back.

Pourtant je ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain quelque part. Et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle à la radio par le connard. Et dans ce nom manquait plus qu'une intérieure minute. En désir de carrière. Non, je fais pas partie de la France qui se lève et que je n'ai aucune envie de passer la vie au boulot. À croire que tout le monde se passe le mot. Le travail, c'est l'avenir des marmots. J'ai bien l'intention de faire de ce qu'il faut pour assurer une vie sans pour un con. J'ai bien l'intention de faire de ce qu'il faut. Et quoi qu'il en soit, j'aurai le dernier mot. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Enfin, c'est ce qui me plaît. En retour, à toute belle et réussie, je vous offre un zéro de combine. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes. Alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, ce sont des tumeurs à pas. Pour toutes ces conneries, ce n'est pas la peine. Pas la peine de compter sur moi. Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion.